Le rire d'Ernest Coquelin, dit Coquelin cadet. Chapitre 5e. Le rire faux, le rire bête, le rire des repas officiels, le rire à table. Les Goncourt ont dit qu'il y avait des rires qui sonnaient faux comme des pièces de monnaie fausses, et ils ont eu raison. Il y a des gens qui rient faux comme des actrices disent faux, comme des chanteurs chantent faux. Le rire est à côté du ton juste, au-dessus ou au-dessous. Cela fait souffrir l'oreille et agace les nerfs. L'homme qui a ce rire peut être doué d'une certaine sincérité, mais son rire est faux comme le serait celui d'un jeton, si un jeton pouvait rire. Tout le monde est gai, on rit de bon cœur. La personne au rire faux se fait entendre, cela jette une note discordante qui arrête la gaieté des autres, si ce sont des gens délicats. Si ce sont des cochers qui rient ensemble, dans le nombre il peut y avoir 3 ou 4 rires bien faux. Les cochers ne s'en apercevront pas. Ils iront tout de même de leur gros voyage de rire. Mais pour des rieurs fins, éduqués, joliment pensants, des rieurs qui ont le rire sensible, il y a une souffrance affreuse à écouter rire la personne au rire faux. Et si par-dessus le marché, le monsieur qui rit faux est très gai, c'est un bonheur sans pareil de le voir souvent. Il vous offre sans cesse les fausses perles de son rire détonnant. Ce rire n'implique pas une vilaine nature. On rit faux, voilà tout. On ne peut pas dire que ce soit un rire triste. Il vaudrait mieux qu'il fût triste. Il serait franc, au moins. L'homme au rire faux rira toujours faux. Et le rire bête. Quelle calamité que le rire bête. Il est très haut, très sonore et très tyrannique. Le rire bête est un grand rire. Les gens bêtes n'ont aucun scrupule, ils sont bêtes et ne se fichent pas mal d'être bêtes. Ils ont carrément et hautement le courage de leur opinion. Ils ont l'air de s'en faire gloire d'être bêtes et de le proclamer en riant de toute leur force. Ce rire bête, qui n'éclate que pour d'écœurantes inepties, part comme un coup de canon et dévaste autour de lui toutes les envies de rire des rieurs fins. Les rieurs fins sont foudroyés par le rire bête. Il n'y a rien à faire quand un imbécile bien robuste et bien gouailleur se met à rire. Il faut se résigner à être assourdi. Il faut être philosophe, ne pas se mettre en colère, parce que si l'on manquait de sang-froid, on se précipiterait à la gorge du rieur idiot et on lui ferait rentrer dans le gosier ses larges éclats de rire imbéciles à coups de genoux, à coups de souliers, à coups de n'importe quoi. Si l'exaspération vous prenait, ça serait effrayant, ce que l'on ferait à ce rieur beaucoup trop sonore et beaucoup trop idiot. Par bonheur, la prudence, les lois du monde veulent que nous restions anéantis sur place pendant que le rire bête corne au-dessus de nos oreilles et jette le malaise et l'effroi jusqu'au fond de nos rates. Le châtiment de ce rire, c'est que quand il se fait entendre dans un salon vraiment mondain, on n'a pas l'air de croire qu'il vient du haut de la personne absurde affligée du rire bête. Fuyons ces rires insupportables et passons au rire charmant, bienveillant. D'une belle source, d'une jolie sonorité, au rire qu'on entend à table. Il n'est pas question ici du maigre rire, étouffé à l'instant, qui se hasarde dans les repas officiels. Il s'agit du rire, vrai bouquet de feux d'artifice de gaieté qui illumine les déjeuners ou les dîners d'amis. Ici, la sympathie, l'aménité, la bonté et surtout le bonheur d'être ensemble, se sont donné rendez-vous. Le repas est commencé depuis 10 minutes, la première faim est un peu apaisée, vous avez bu 2 verres de vin mousseux glacé ou d'un bordeaux doucement réparateur, vous êtes en train. Vous vous sentez écouté par des oreilles qui ne demandent qu'être réjouies, par des intelligences qui vous ouvrent un crédit de fantaisie illimité. Si, par surcroît, quelques jolies femmes sont au nombre des convives, qu'elles aient de beaux yeux et dans ses yeux la flamme de joie, la flamme de cordialité, alors vos trouvailles seront extraordinaires. Le mot coloriste, original, vainqueur, viendra sans effort sur vos lèvres, vous enfilerez avec dextérité des colliers de paradoxes bons enfants, vous serez éblouissant sans fatigue, vous caracolerez intellectuellement sans soubresaut et sans secousse. Vous ferez épanouir le rire comme le soleil fait épanouir les fleurs. Êtes-vous intelligent, vous deviendrez remarquable. Remarquable, vous serez supérieur. Supérieur, vous pourrez confiner au génie. Qui sait, tout est possible, vous êtes si heureux. Les plats sont si parfaits, les vins si magiques, les cœurs si ouverts au plaisir, à l'amitié, peut-être à l'amour. Vous parlez. Et vous entendez de jolis rires clairs partir comme un vol d'oiseau dans l'atmosphère chargée d'odeurs gastronomiques. On vous déguste. Vous faites rire et vous riez en même temps. Tout le monde goûte un bonheur infini. Le beau rire que le rire à table. À table, la joie est double puisqu'elle est alimentée par cet adorable plaisir du corps, bien mangé, et par cet exquis plaisir de l'esprit, trouver facilement de jolies choses à l'instant comprises et aimées.